Et 2 heures plus tard, nous sonnions à la porte d'une jolie maison de campagne. Une belle jeune fille vint nous ouvrir. C'était elle, assurément. Je dis tout bas arrivé. Sacre bleu, je commence à comprendre Morin. L'oncle, M. Tonnelet, était justement un abonné du Fanal, un fervent coreligionnaire politique qui nous reçut à bras ouverts, nous félicita, nous congratula, nous serra les mains, enthousiasmé d'avoir chez lui les deux rédacteurs de son journal. Rivet me souffla dans l'oreille. « Je crois que nous pourrons arranger l'affaire de ce cochon de Morin. » La nièce s'était éloignée. Et j'abordai la question délicate. J'agitai le spectre du scandale. Je fis valoir la dépréciation inévitable que subirait la jeune personne après le bruit d'une pareille affaire, car on ne croirait jamais à un simple baiser. Le bonhomme semblait indécis, mais il ne pouvait rien décider sans sa femme qui ne rentrerait que tard dans la soirée. Tout à coup, il poussa un cri de triomphe. « Tenez, j'ai une idée excellente. Je vous tiens et je vous garde. Vous allez dîner et coucher ici tous les deux. Et quand ma femme sera revenue, j'espère que nous nous entendrons. » Rivet résistait. Mais le désir de tirer d'affaire ce cochon de Morin le décida. Et nous acceptâmes l'invitation. L'oncle se leva, radieux, appela sa nièce et nous proposa une promenade dans sa propriété en proclamant « À ce soir, les affaires sérieuses. » Rivet et lui se mirent à parler politique. Quant à moi, je me trouvai bientôt, à quelques pas en arrière, à côté de la jeune fille. Elle était vraiment charmante, charmante.